prisonnier d'Eros, encerclé de roses sombres, je m'ensommeille dans ce crâne. Ne plus jamais penser. Silencieusement, mon sang s'élèverait sagement comme un homme sans femme. Ne plus jamais penser.